ce talent pour voir des formes dans le bois de mer, des animaux ou des baissés gaga. Bienvenue à Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. C'est la dernière de la saison, mais c'est pas la dernière de Web Musique. Je vous reviens cet été. L'émission va être déplacée à 21h par contre, donc on s'intonise une heure plus tard et Web Musique va encore être là. Cette semaine, une émission relativement mollo. J'avais le goût de trucs tranquilles, donc je vous ai fait une sélection en conséquence. On va entendre un groupe, un duo qui se joint des fois avec d'autres collaborateurs. Il s'agit de Lucky Dragons. Ils viennent de Los Angeles. Je vais vous faire entendre leur pièce Mercy. C'est publié sur 555 Records. Avant ça, sur Happy Poppy Records, c'est Dudley White Mud qui nous fait un cover de la pièce Barbie Girl, la pièce, l'horrible pièce par le groupe tout aussi horrible Aqua. Donc c'est un cover un peu, voyons, un peu acoustique, donc ça rend la chose un peu plus tolérable. Puis ça, vous allez voir, les paroles sont complètement ridicules quand c'est chanté par un homme. Donc on écoute ça tout de suite, Dudley White Mud avec le cover de la pièce Barbie Girl. I'm a blonde little girl in your fantasy world. Dress me up, make it tight. I'm your dolly. You're my doll, rock and roll. Feel the glamour and pain. Kiss me here, touch me there. C'était une pièce du duo Lucky Dragons, la pièce s'intitule Mercy, donc publiée sur 555 Records. On avait débuté Web Music avec Dudley White Mud avec son cover de, du groupe Aqua, la pièce Barbie Girl, publiée sur Happy Poppy Records. Pour la suite de Web Music, je vous propose une pièce publiée, ça vient tout juste de sortir sur Mix Galaxy Records, une excellente étiquette russe. L'artiste s'appelle Ur Buben Skulls. Je vous fais entendre la pièce 24-04-86. Donc, c'est ça. Puis Ça va être tout de suite après. Mon Dieu, je ne suis pas capable de prononcer le nom de l'artiste. C'est une série de lettres. Ashterplint, en tout cas. Je vais essayer de trouver c'est quoi, comment se prononce ce groupe. Je vais entendre la pièce Our Antennas Run Into the Sky. C'est publié sur Dystopiac. On écoute ça tout de suite à Web Music. Thank you. Pièce tout à fait tripative de Boobenskulls, c'était la pièce 240486 publiée sur Mix Galaxy Records, une excellente étiquette qui nous vient de la Russie. Avant ça, toujours de la Russie, de la Sibérie, un artiste au nom imprononçable, c'était sa pièce Our Antennas Run Into the Sky. Ça, c'était publié sur Dystopiac. Pour la suite de Web Music, je vais vous faire entendre une pièce assez intéressante de Desata Viendos. La pièce s'intitule Sera. Avant ça, on va entendre Agony Dayline. C'est la pièce There is Hope Between Me and You, donc publiée sur Enough Records. Thank you. sobre el mar. Me resisto a escuchar lo que no se pueda dar, y en tus brazos me vuelvo a elevar. Tus labios puedo sonreír. Si la luna viene a mí, si la luna viene a mí, clara vista por el sol. Convierte en algo para mí. Si la vida viene así, si la vida viene así, será, será, será, será, será, será. Tus brazos me vuelvo a elevar. Love a man, love a man. Será, será, será, será. Vous aimeriez encourager votre radio préférée? C'est simple comme bonjour. Soutenez votre radio favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton sécurisé PayPal ou téléphonez au 418-640-2575. Un petit geste d'amitié pour une grande radio. Lundi, le 4 juin, dès 15h30, soyez aux premières loges du lancement de la nouvelle programmation d'été 2012 de CKRL. Animation, sourire et crème protection Extrême 89 seront au rendez-vous. Venez rencontrer vos animateurs favoris et profitez-en pour déguster la nouvelle bière, la CKRL. Le lancement de la programmation estivale de CKRL au Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, le 4 juin de 15h30.

C'était une pièce du groupe Automassage. La pièce s'intitule Get in the Ring. C'était publié sur Birdsong Netlabel, un Netlabel qui nous vient d'Israël. Puis je pense que c'est peut-être une exclusivité. Je vois que l'album n'est même pas listé sur le site de Birdsong, donc j'ai trouvé ça via Internet Archive. Donc j'imagine que le Netlabel va faire le lancement officiel vraiment sous peu, donc vous l'avez entendu en exclusivité à Web Music. On va poursuivre avec un artiste de la ville de Saint-Pétersbourg en Russie. Il s'agit de Brickman. Je vous fais entendre la pièce Spectral Dub. C'est publié sur Deep in Dub Netlabel, une étiquette italienne qui se spécialise dans le techno dub. Donc on écoute ça tout de suite à Web Music. We'll be right back. dub extrêmement planant. Donc, c'était la pièce Spectral Dub par Brickman, un artiste de la ville de Saint-Pétersbourg en Russie. C'était publié sur Deep in Dub. Donc, si vous avez besoin de musique de techno dub, c'est la place à aller. Ils ont plein d'albums en téléchargement gratuit. Ça va déjà être tout pour Web Musique. Je vous reviens la semaine prochaine à compter de 21h. Pour tout de suite, je vous laisse sur une dernière pièce. Puis tout de suite après, ça va être Guy Tremblay avec son émission Beau temps, mauvais temps qui va prendre les ondes de CKRL. Donc, je vous rappelle de vous rendre sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.ca pour télécharger tout ce que vous entendez à l'émission. On se quitte sur une pièce de l'artiste italien Ai Neurolici. C'est la pièce Chaka Dub. C'est tiré de son album Dub Box. Vraiment excellent. Du dub assez poussiéreux, assez grinçant. Vraiment excellent. Publié sur Stato de Dischi. Donc, on se laisse là-dessus. Puis, à la semaine prochaine. Du 14 au 17 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 29e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Avec Vincent Vallière, Catherine Major, Zachary Richard, Ariane Moffat, Richard Bonnier-Dompère. Il faut que tu rides sur ton cheval, galon. That's right, comme the bell of the ball. Le Festival de la chanson de Tadoussac, le plus grand des petits festivals. Un matin d'un vendredi soir, pour puncher puis aller boire. Informations et réservations, 1-866-861-4108, billets en ligne sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Bellegueule. J'insisterai pas pour vous dire que la bière, la CKRL, c'est la meilleure au monde. Ça pourrait inciter à la consommation. J'utiliserai pas non plus une voix langoureuse pour vous convaincre que la bière, la CKRL, coule bien en bouche. Parce que vous allez croire que je fais des allusions au sexe. Je vous dirai pas non plus sur un ton intime des explosions de saveurs d'agrumes qui vous donnent des frissons. Ça pourrait porter à confusion.